Iket nunc de la musique et des mots. Iket nunc, performance sonore, tous les premiers et troisièmes vendredis du mois, de 21h à 22h, sur Radio Alma 101.9 FM. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Iket nunc, émission de performance sonore sur Radio Alma 101.9 FM. Ce soir, on se retrouve à nouveau avec deux invités qui nous ont rejoints ici dans le studio. Le thème autour duquel nous nous retrouvons sont les chemins croisés. Ce thème a été d'une certaine façon préannoncé dans l'émission passée, il y a 2 semaines, où nous accueillions Jersey et Gaëtan Saint-Rémy. Et Gaëtan nous a lu un conte qui s'appelle 127 jours au 127 bis. Ce conte parle justement de quelqu'un qui rêve d'arriver à Bruxelles et puis finalement il passe des jours au 127 bis. Et donc c'est un conte qui nous parle de la ville de Bruxelles, c'est un conte qui fait partie du recueil Bruxelles ce conte, mais c'est aussi un conte qui nous parle de la vie des gens, de chemins croisés justement. Parce que les villes ont beaucoup de défauts sûrement, mais elles ont aussi justement quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'il constitue le carrefour de l'humanité, un condensé, une forte concentration d'humanité, si on peut le dire comme ça, presque explosive peut-être. Et donc ce n'est pas un hasard si ce conte, qui est un conte sur une ville, parle aussi des gens, comme la plupart des contes de Au-delà d'ici là, le nom du bouclex de Gaëtan. Et comme aussi la plupart des écrits en général, on peut dire, parce que les écrivains, peut-être ils parlent soit de soi-même ou de l'autre, ou alors des autres en parlant de soi-même, ou alors de soi en parlant des autres. Bref, disons que on est au cœur de l'écriture, on est au cœur de la vie même, de la vie de l'homme, homme animal social. Et sur ceci, j'ai envie de donner le bienvenu à nos invités de ce soir, Tom Nice et Antoine Wouters. Bienvenue. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vous accueille ici à Iket nunc. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission, mais c'est un peu un rendez-vous fixe pour la TPN, pour la troupe poétique nomade qui est liée à la maison d'édition Maelstrom, mais aussi pour d'autres auteurs, on est tout à fait ouvert. Donc c'est un rendez-vous fixe de Bruxelles maintenant, chaque 2 semaines, ici sur Radio Alma. Et alors je voudrais justement, parce que le thème s'appelle Chemin croisé, que vous deux auteurs poètes qui se retrouvent ici nous comptent un peu comment vous vous êtes croisés, comment vos chemins de vie se sont croisés, et donc que vous vous présentiez de façon parallèle, et un peu si vous avez envie, je ne sais pas, peut-être vraiment de façon alternée, mais je vous laisse carte blanche. Qui est Tom Nice, qui est Antoine Wouters? Moi c'est Tom Nice. Comment on s'est rencontrés? C'était une très belle soirée à Liège autour d'une revue littéraire qui est sortie, qui s'appelle Le Fram, qui est, je pense, bimestriel. Mm-hmm. Et dans le même numéro, Il y avait des textes à Antoine, il y avait des textes à moi, et puis il y avait une lecture collective de la plupart des auteurs qui sont dans la revue. Et donc Antoine m'a entendu lire, j'ai entendu et vu lire Antoine. Et nous ne sommes plus. Nous ne sommes plus, c'était presque un coup de foudre. Voilà, et depuis on ne se lâche plus, même si on n'habite pas la même ville, donc on n'a pas l'occasion de se voir si longtemps, enfin si souvent, mais voilà. Alors, on en profite quand on peut se voir. Mais sinon, Tom... Ça c'est Antoine. Là c'est Antoine, c'est d'autres voix. Pour identifier les voix. Donc ouais, c'est vrai que c'est parti de cette rencontre au FRAM, et puis... Et puis depuis, ça s'est fort étoffé, parce que les rencontres, puis les soirées poésie s'accumulant, ben on a l'occasion de se lire beaucoup plus, de se voir aussi, malgré tout, quand même de temps à autre. Et donc voilà, moi c'est l'occasion de découvrir la poésie de Tom, que je ne connaissais pas il y a 2 ans, et puis maintenant je suis, je ne vais pas dire en plein dedans, mais en tout cas je la suis de près, et c'est une voix qui m'accompagne... qui m'accompagne, quoi, que ce soit dans mon écriture ou bien en dehors. Voilà, donc c'est une chance, c'est une belle rencontre qu'on a fait là au FRAM. Tout à fait. Ce que Antoine vient de dire sur moi vaut pour moi aussi en le concernant. Très Alors, bien. Qui est Antoine Wauters? Antoine Wauters vient de Liège. Il est né en 1981 à Liège. Il est aussi musicien, même si je crois qu'il pratique moins en ce moment. Je pratique encore, mais tout seul, quoi. Ok. Pour le moment. Voilà. Il est l'auteur de plusieurs recueils de poésie qui sont, selon moi, magnifiques et parmi les plus importants en Belgique francophone en ce qui concerne notre génération. Il y a Os. D'abord, puis il y a La Bouche en 4 aux éditions Maelstrom, qui est un éditeur qu'on a en commun. Il y a Un homme ulcéré, qui est un récit. Et puis paraîtra chez Chêne Éditeur, en France, Ali, si on veut, qui a été coécrit avec Ben Arès, qui est aussi un poète liégeois, mais qui fait tout le temps des fugos. Qu'on espère pouvoir... accueillir ici aussi. Qui vit à Madagascar quand même pour le moment, 6 mois par an. Ouais, il fait tout le temps des fugues là-bas, donc... Par Skype. Par Skype. Et puis il y a des inédits dont on va découvrir des choses ce soir. Et alors, Antoine anime aussi une très très belle revue de poésie et d'art graphique, avec Ben Arès notamment. Et elle s'appelle elle s'appelle Langue Vive, et je suis assez honoré de figurer dans l'avant-dernier numéro. Voilà, voilà pour Antoine Wauters. C'est difficile hein, de Maintenant, faire ça comme ça. Maintenant, il faut tenir le coup. Oui. Alors Tom, qui est Tom Nice? Eh ben, Tom est un auteur luxembourgeois en fait, qui vit ici à Bruxelles, qui est né immigré. Ouais. Qui est né dans les années 70, en 73, je fais ça en note, en 73, et qui s'occupe de pas mal de choses, de poésie notamment. Il organise des soirées régulièrement. Il a aussi un travail assez important de traducteur, puisque connaissant bien l'allemand, il traduit des poètes, et dans son cas plutôt des poétesses allemandes ou luxembourgeoises, je ne sais pas, de l'allemand au français. Allemande. Donc autour de ça, il a édité un livre qui est une anthologie qui s'appelle « L'amour au temps de l'Union européenne » chez Biliki. Donc il a coordonné cet ouvrage-là. Et sinon, ben voilà, il y a son activité de poète et d'auteur qui est importante. Et il a publié quand même pas mal de recueils. J'en cite quelques-uns. Le premier, je pense, c'est le premier qui est paru, c'est « Noté en passant ». Qui est sorti chez Caractère, c'était à Paris. Ouais. Le Cahier Rouge, chez PTTL. Ça, par contre, tu peux peut-être dire un petit mot sur le... Ouais, PTTL, c'est une abréviation pour Plutôt Telade, qui est un collectif d'artistes. Ça tombe très bien de parler d'eux, d'ailleurs, parce qu'on est à Radio Alma, on est dans dont le Bas de Saint-Gilles, quartier Midi, un quartier en mutation terrible, où il y a tous les petits commerces, les habitants qui se sont fait déloger et ont construit des horreurs à la place. Eh bien, plutôt de là, ils sont basés à Saint-Gilles et ils ont fait toute une campagne d'affichage pour dénoncer cette honte urbanistique supplémentaire bruxelloise. Et voilà, à part des affiches, ils font aussi de l'édition artisanale et ils font pas mal de travail vidéo, en général aussi sur des thématiques urbaines. Voilà, c'est un peu pour PTTL. Voilà. Alors je continue dans les recueils que Tom a publiés. Il y a Prélude au vieux sol, qui est paru lui chez Biliki. Poème itinérant, un bouclet de chez Malmström, toujours, on revient toujours à Malmström. Et alors apparaître un livre au Fram, qui est donc l'éditeur belge dont on a parlé tout au début, qui est une revue et aussi un éditeur qui fait des bouquins. Et là, ça s'appellera Les yeux usés, et c'est apparaître en avril, en tout cas au printemps. Voilà. Okay. Plus ou moins, de façon très sommaire. Oui, on ne veut pas une liste complète, parce que sinon on n'a plus le temps de rien lire. On aimerait bien quand même aussi avoir une démonstration concrète de ce que vous faites, de ce que vous écrivez. Et donc, je demande à Benjamin d'annoncer quel morceau il va passer. Ah non, d'accord, donc c'est Story du projet A Taste of Glow de DJ Schwitters, qui reste dans le thème. Et après cela, on va entendre tout de suite un extrait de Diaspora, le nouveau texte de Tom. Mais qui en fait, est déjà... Donc, c'est un cycle qui s'appelle Diaspora et je vais le lire en entier. Et il est inclus dans un recueil qui s'appellera « Boire le vent jusqu'à la lie » et qui paraîtra sans doute aussi chez Malmström au courant de 2010. D'accord. Donc on ne t'annoncera pas, tu auras le micro tout pour toi après Story. I work across different towns on the meeting of different faces to discover a different life. We chat and soul the different prayers in this quest of another side that tolerant life, vision of love. I wonder if I have a reason to like the human race of the female. Alright! The town, and I try to give me out. je vais lire le cycle intitulé Diaspora. Je pense que l'intitulé dit déjà de quoi ça parle, ce que ça raconte. Diaspora. C'est Jacques qui parle. J'ai vu sur une prison de chats. De ma fenêtre dans ce pays, j'ai vu sur une prison de chats. Je suis comme eux, sauf qu'eux, on les nourrit. Moi, pour flatter les lacunes de mon ventre, j'use mes tendons, me ruine les mains, terré dans une cave toute la journée. Je me ruine le dos, use mes tendons, pour pouvoir lécher, sucer des pelures, et ça les arrange que je sois là, ainsi, terré, invisible, et sans choix. Chaque soir dans ce pays, de ma fenêtre, j'ai vu sur une prison de chats, je suis comme eux, enfin presque. Moi, je ne gémis pas, de peur qu'on puisse m'entendre. C'est Eustache qui parle. Mais craignent-ils donc pas la vaste colère des ancêtres, nos ancêtres, les visages desquels ils enfonçaient dans la boue, la belle, jadis fertile boue natale, lesquels ils ont dépossédé des visions. Ah, deux sauvageries bien distinctes, lesquelles ils ont roué de honte, salivant mépris sur leurs sœurs, desquelles ils aimèrent à couper la main fainéante au bord de la rivière, dans le crépuscule cruel des rizières, avec les muscles déshonorés desquels ils ont bâti leur état, nation, bastion, qui maintenant, quand nous disons dignité, nous examine, réprouve, efface, recrache. Et le pillage a été adapté, le pillage continu et silencieuse s'évapore d'inextricable mémoire des ancêtres. C'est Elena qui parle. J'ai beaucoup de mains, avec beaucoup de cicatrices pour chaque main. Aucune main ne se ressemble normale. Je porte, je suis, j'amène les mains. Je suis beaucoup plus qu'une voix. Je suis un village, les restes d'un village. Je suis main, cicatrice, village et voix. Je suis un de vos exemples. Les voisins ont perdu le fils. Un soir retrouvé, le fils en bas de la route. Un soir, fils retrouvé, décapité en bas de la route. Il lui avait volé la veste en cuir un soir au fils décapité sorti rechercher grand-père. Alors j'ai vu que j'avais beaucoup de mains et autant de chemin, et je suis parti, me retrouve en face de vous qui dites cerveau inadmissible, mais bon, il lui reste ses deux mains. C'est David qui parle. Jusqu'ici, j'ai vu bien des atrocités, difficiles à compter avec exactitude. Maintenant, je vois surtout la médiocrité qui, après analyse, s'avère être servitude. Et vous parlez d'un accueil dans la cité, un passeport chiffonné et dévisagé, passé. Après les pneus et les vautours dans le sable, cet aéroport clinquant comme la phase terminale d'un long cauchemar qui, en réalité, redébute. Les rues de mauvais augure, l'asphalte froid, les nuits dans les chancres, les jours, les injures, et les tempes assaillies de vitrines hautaines. Je trimballe mon ombre furtive dans le métro, ne pas s'isoler des gloussements de la foule. Puis, comme cadeau de Noël, mon visa expiré, encore moins s'isoler de la foule qui stagne dans les stocks de solitude fatiguée des bus, aux aguets dès l'aube, un petit pion translucide de la place publique, je suis devenu, après avoir vu bien des atrocités, maintenant, je vois les manèges des responsables du mensonge, et je vois de l'Occident le dos courbé. C'est Idriss qui parle. Sur ce continent même, les abeilles sont frustrées. Furieuses, elles se cognent contre les cloisons des serres, où moi je gagne ma maigre mie, entourée de mes semblables, oui. Il fait chaud comme chez moi ici, mais un chaud de conserve et humide. Les corps de mes semblables et le mien rendent ce théâtre transparent et fruité encore plus humide. Mon torse transpire, mes yeux suent, mes idées sont moites, et mes rêves dégoulinent cernés de légumes. Et je siffle les souvenirs de là-bas sans le sou, et je n'ai pas d'identité. La nuit, nous dormons à six, dans un hangar près des serres, dans un sans lit, sans identité. Mais au fond de mes yeux, il y a un peu de nectar pour séduire les abeilles, nourrir les étoiles et tenir le coup. C'est Maria qui parle. Je suis là pour ces dames de bonne famille. Je lisse leurs rubans et leurs mouchoirs en soie. Je suis la dompteuse de leurs taches et poussières, car aussi dans les bonnes familles il y a poussière et taches et des recoins où jamais je ne m'aventure. Je suis là pour ces messieurs d'importantes demeures. Je salue leurs rangées de cravates et de chaussures. Je polis bien leurs miroirs où je ne me reflète pas. Je n'ouvre pas leurs tiroirs où dorment les chiffres de notre misère. Bonjour madame, bonjour monsieur. Oui, je suis là pour ces dames de toute haute estime. Je frotte leur cuisine où ma cousine prépare les plats. Je m'agenouille dans leur salon et j'y prie au lustre. Je suis là pour ces messieurs à sévère responsabilité. Je laque leur téléviseur, eux décident ce qui y passe. Je secoue les prairies en baldaquin de leurs trois lits, où dans leur sommeil, leurs recoins d'âmes les mordent. Enfin, c'est ce que je m'imagine, toute tâche accomplie, le soir, longeant l'allée, rejointe par mon amant, le vent. C'est Zakir qui parle. Dans la prison, ce qui marque, c'est le nombre d'araignées. Je suis jeune, j'en suis sorti, avec 39 brûlures de cigarettes dans mon dos. 3 jours plus tard, c'était la route. Après 3 semaines, c'était l'Europe. Et dans les montagnes du Balkan, 2 des filles n'ont pas pu atteindre l'autre rive. Nous n'avons pas attendu. Puis, dans le camion, nous étions à 8. Entassés dans la viande quand un jour la police a ouvert et nous a constaté. Il faisait très gris, surtout dans les visages, dans une succession d'immeubles, de bureaux, où j'étais un menteur emmuré dans le gris avec 39 cicatrices dans mon dos. Maintenant je contemple depuis des mois des grillages en guise de doublure du gris. Je suis jeune, j'en sortirai. C'est James qui parle. C'est une histoire de pirogue. C'est une histoire de vent salé. C'est une histoire interminable, vaste comme la mer qui geigne, concentrée comme nos sangs prunelles. Une histoire de vent qu'on implore, de bidons d'eau remplis qu'on surveille, de conserves et de couvertures en plastique et de marchandages de gilets de sauvetage. Une histoire de vent encore qui ronge la peau, d'eau de pluie mise dans des bidons à la cuillère. Nos 50 corps qui tanguent sur l'interminable, nos 100 prunelles qui sont les véritables astres maritimes, nos prunelles nocturnes, les étoiles de mer d'aujourd'hui. Et monsieur le capitaine qui gueule jour et nuit, et les pieds et les rêves qui pourrissent jour et nuit. C'est une longue histoire de conquête des vagues, une histoire d'un hélicoptère, d'un phare qui capture. Et là, sur l'île, nous sommes plus de 1000 à attendre. Et nous ne savons pas ce que nous attendons, ni surtout ce qui nous attend. C'est Philomène qui parle. Ils m'ont beaucoup promis. La carrière, les vêtements lourds, venus au village m'ont fait chanter, et ils ont bien loué ma voix sombre, hôtel, concert, télé, vite pour sûr. Ils m'ont conduit à la ville à l'avion, tout payé de l'autre côté leurs amis, m'attendaient avec une grande voiture. Ils m'ont frappé, mais pas le visage, sur la banquette arrière pris le passeport, une chambre, un tapis pour dormir et pleurer. Le lendemain, après la clé, ils m'ont essayé. Puis j'étais prête, ils m'avaient beaucoup promis. J'ai beaucoup de sœurs derrière la gare. Nous sommes toutes les chanteuses de la nuit. hypocrite, auréolé de néon et parfois aussi d'hématome, parce qu'il fallait une pause. De pâles bides mâles qui sentent la frustration se frottent sur notre exotisme hymen harcelé. Parfois vient cette vieille dame qui nous vend la lingerie et qui écoute. C'est Halima qui parle. Chez nous, tout le monde, d'un jour à l'autre, est colonel. Moi, j'ai épousé le désaccord, ma dot, notre vent ancestral. Chez nous, le dialogue sont des machettes, des bidons d'essence, des dons hystériques. Moi, je respirais Sankara et Felakuti. Je me souvenais des origines d'un avenir, et donc me fabriquais des ondes d'ombre, dans mon pays lapidé de soleil mutant, dans mon pays flagellé de discours baveux, où la disparition est une aube banale, puis le neveu, ensuite Tiborgne, puis elle. Lentement les zones d'ombre se dépeuplaient, mais je respirais Felakuti et Sankara, et avais toujours confiance en mes pieds, râpés par le sable, légers comme le lait manquant, et quand même le pharmacien était devenu colonel, et que j'avais toujours confiance en mes pieds, j'ai fermé cette porte-là pour la dernière fois. C'est Vlad qui parle. Je ne jure que par ma clarinette. Je suis le fantôme de ma clarinette. J'ai discrètement dû vendre ma clarinette, ôter la musique à un déserteur, ôter les flambeaux ivres à un montagnard, équivaut à raréfier les restants du ciel, ce ciel auquel nous appartenons tous, tous frères d'horizons dissemblables. M'ont dit, clarinette, non, Kalachnikov, oui. On dit, on va s'occuper de tes semelles. On dit, on va bouffer la braise de la chair. On dit, sera payé en cigarettes et on n'a pas dit qu'un projet de pipeline équivaut en ce qui me concerne à 8 villages, raser, rayer, faire de clarinettes des ossements, dégueulis de souvenirs et routes rêches. Voilà, c'est moi, slave, et mes mains pianote le vide, je suis déserteur. C'est Faye qui parle. Au fil des aubes, au fil des ateliers étroits, au fil des escaliers glauques, au fil des réverbères habituels, au fil de la fatigue portée vers le métro, tout tient tellement à de ces fils fragiles. J'ai comme autel une machine à coudre. Je suis une fidèle vraiment très dévouée, au fil des jours et des jours et des années, au fil de la faim et des yeux qui dérapent, au fil des ordres, du rythme et des bols de riz, au fil des ballots qui deviennent luxe et goût, grâce à moi et mes petites sœurs de l'atelier, grâce à nos humbles yeux de chaton et à nos mains automatiques et sans poids, nos gestes cachés, nos paupières plissées, depuis des années ainsi courbées sur l'autel, au fil de nos vies à peine prononcées. C'est Bienvenu qui parle. Après la grappe nerveuse à la douane, ils m'ont tout de suite mis à part, dans une salle avec vue sur le départ. Ils ont tout de suite mis à nu mon histoire, se sont moqués, promis une belle cellule, et ils ont tout de suite tenu promesse. Là, des heures de souvenirs précipités. Ensuite, ils m'ont amené à l'hôtel. Ici, notre cellule est plus grande et le temps ne passe pas à travers les fenêtres réputées. La cellule est lumineuse et les jours identiques. Les gobelets, les rondes, les cartes de téléphone et bien sûr les courtoisies gluantes des gardiens. Si un point s'esquisse, la police sort les chiens. Dans la cellule, on a vu sur les saisons du maïs, derrière les deux grillages, un champ impassible, derrière le champ, un pays inconnu, et l'asphyxie s'empare de mon regard, et le temps ne passe plus à travers mon existence, à travers mes cris coupés. Je n'ai plus de destin, mes yeux sont devenus creux. Quand ont-ils renvoyé Gabi, celle du lit de gauche, renvoyée vers un destin ôté supplémentaire? Non, non, je ne me souviens plus, ni de mon avenir. c'est Christopher qui parle. Nous les avons devancés quand même, eux et leur pays friandise triste, par endroits devancés de bien loin, en gestes mutuels et regards élargis. C'est l'heure où nous frappons nos artères ici, en gestes déployés aux marges du calendrier. Nous honorons tram et taudis, nous sommes les locataires de leur quartier répudié, mais formés d'une succession de cieux. En cela aussi, nous les avons devancés. Chez moi, au Ré, 12 matelas nomades, 12 matelas pour tomber sur ses pattes. Mes camarades transitent d'agardement en retrouvailles avec le souffle prévu. Et c'est l'heure où ils frappent leurs artères ici, en gestes déterminants, avec regard javelot, et notre pouls condensé et exact brasse les rues ici. Le soir, sur les 12 matelas, tant d'histoires frontales, tant de potentiels silencieux, éclaireurs, des aujourd'hui pliés. Naguère, ils sont venus chez nous à fiers coups de saignée. Aujourd'hui les mêmes, travestis, tapis en transaction, ou tapotés les élus des rictus desquels coule l'uranium. Aujourd'hui pourtant, nous les avons bel et bien devancés. Nous sommes ici, et ici, ce sont nos terres aussi. Merci Tom d'avoir amené toutes ces personnes dans ce studio. Tu nous as amené un peu du monde entier, des gens, des vrais gens en chair et os, que tu as rencontrés en fait, que tu as vraiment rencontrés, en partie en tout cas. En fait non, ce sont des fictions, mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont dans des situations similaires, et c'est grâce aux conversations que j'ai eues avec eux, aux témoignages que j'ai pu recueillir, mais aussi parce que l'on entend quand même de temps en temps dans les médias de masse que j'ai écrit ces 14 fictions. Mmh. Oui, et comme tu dis bien, c'est vraiment l'accueil que nous leur donnons qui frappe le plus, alors qu'on devrait aussi être frappé par le fait qu'il y a des gens qui honorent ces pays en voulant y venir, alors que souvent, en y vivant, on se demande pourquoi. Mais bon. Oui, il y a Michel Rocard qui a dit à un moment donné, dans les années, fin des années 80, « Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Mmh. » Il y a un philosophe français d'origine argentine qui s'appelle Miguel Benassayac, dont je respecte beaucoup le travail, qui a dit « Nous nous devons d'accueillir toute la richesse du monde. » Justement. Et on a d'autres richesses ici, dans notre studio magique. Et donc, je demanderais peut-être à Benjamin de passer encore une chanson. Donc dans ce cas, ce serait « Alex » de Andy Moore, de l'album Mes Marqueurs. Et après, on entendrait tout de suite Antoine avec un extrait de Césarine, qui est déjà apparu. Non. Je ne sais pas encore s'il paraîtra, j'espère, mais il est écrit en tout cas. Mais non. En tout cas, nous avons l'honneur de l'accueillir ici. Donc, on en entendra un extrait tout de suite après Andy Moore. Thank you. Césarine. Je vais lire les deux premiers chapitres. Ce sont des courts textes qui, formellement, sont des espèces de petites cases, des espèces de petites prisons de mots. Voilà. Alors, premier chapitre, il s'appelle Césarine. La nuit point, Césarine ouvre l'œil, où elle dort à demi et lève menus objets. Chaque pierre petite, piétinée par oubli, moindre sève, moindre chardon trop court. Dans le cru, la crudité de l'aube, la lumière blanche qui la blesse au plus près, sa voix lève l'aine, l'un rêveur, souvenir muet. Césarine de nuit, sœur cœur du tendrement laissé, de la cirant dans l'âme, de Fabien l'aigrelet. Elle veille assise à la fenêtre, au lit pluché non loin de voir, par là, couler le fleuve en la grande ville. Césarine bleue de nuit, petit ventre ronflant, petit corps encrassé qu'on garde sous nos yeux, très tendre en son empire. Ne sait rien des douleurs à venir, de Fabien ventre à terre et de ses os brisés. Il lui faudra faire chemin d'abandon, de renonce, fendre la joie, le filament, sa vie au bois comme l'eau vive. Elle partira vide. Aux longues jambes et aux très petits shorts, aux longs cheveux qu'elle attache ou laisse librement courir, elle bondit sous nos yeux en bas de la grande tour centrale, un pied puis l'autre, un couloir et puis l'autre, et se faisant, Césarine chante, et se faisant avec vitesse et à mi-voix, elle frôle les serrures, les portes bien gardées. Et tous, ils sont partis, dit-elle, tous les autres enfants, l'aîné et mon jumeau, Fabien, peau de ma peau. À l'aide de cordes et de lacets, de petites choses à peine visibles qu'on fixe à ses chevilles, on attache la merdeuse. Au lit, à l'anneau suspendu, au mur de fin crépi et qui est raflacé, on la lie aux mangeoires, aux râteliers très sobres afin qu'elle se remplisse. Vide sa soupe et voilà, vide sa soupe et voilà, Césarine en est pleine et Césarine récure. Plonge dans la javelle ses mains comme deux petits pieds. Mal à Césarine, mal à l'ange aux entrailles et mal à l'autre enfouie, son enfance. On entend les laines qu'elle remue, qu'elle remise à l'usine, l'asile où vont buter les cœurs. Elle remue la nuit le sang dont on fait des fanions. Au revoir. On sait qu'elle n'y peut rien, mais la vue s'est brouillée et le fil a rompu. On sait qu'elle a blessé un homme à la tempe, au couteau, à la tempe. On sait qu'elle a mordu. Il y a longtemps, il n'y a plus rien. On la tient enfermée. Au revoir. On la croise les matins, jolie, crasseuse, et encore tard le soir et la nuit depuis les longues années qu'elle est en cage, avec nous, nous passant sous les yeux, sur les pieds, ses fines mains grattant lentement les plaintes et les ardes des murs, ses longs ongles effleurant les objets rencontrés au hasard, petits fruits morcelés, aiguilles, mie noire de pain à la cuisine sous le néon, sous la lampe sans chaleur et qui grésille assez, sous l'absence de son frère Fabien. Où Césarine vit, ou vivre à goût de bec, de coucou dépiauté, les épidalans coupés, les grains bien ronds coupés, coupés. Printemps, on en oublie l'odeur de vulve, d'oison rouge, on coupe, on ébarbe, été, touffeur d'été, où d'autres fous trempés de sueur viennent quand vient la fronde, le fouet joueur et le bourreau mignon, à force labeur, force frottis de gorge, confessons nos vauriens, nos petites pourritures. Elle dit, tout le monde est mort, ça sent la petite pisse et souvent la javelle, le chameau ligoté. Le soir, elle se promène et les couloirs sont vides et les ailes battent en silence. Elle dit comme c'est étrange, comme tout le monde est seul et comme tout le monde dort, j'entends bien les ronfleurs, comme ils parlent du nez, du grognon, c'est étrange. Et là-dessus s'en va, retrouve sa chambre vide. Césarine Sandra se rêvant nue, dans aucun lieu, aucune rue, aucun chemin de ville ni de faubourg douteux, mais aimée dans le bois, dans sa clairière d'enfance par Fabien et Charles, loin de la ville qui coupe. « Déchire, dit-elle, déchire. » Et elle s'engouffre dans les couloirs, dans les chambres assez vides où sont les pensionnaires, semblant ne pas sentir ni percevoir ses minces attaches, ses fines entraves qui terminent ses chevilles, ses poignets maculés de jeunes pourritures. Nostalgique du bois, elle en rêve, et du miel chagriné des falaises, des courtes chemisettes avec lesquelles bondir et s'élancer dans les taillis, ses belles cuisses enroulées aux arbres, aux éclats des pontons sous le petit grain de pluie. Mais le plus souvent, non, non. On la scie en tailleur près des bassines au poids, des rayures dans les yeux, des camisoles en lin et des soies qu'élastique, remaille, recoue, respire. de ses petites robes à col Claudine, la crinoline et les corsets d'avant-libération du corps par le t-shirt et le nylon, et le nylon, le lycra plus sportif, petite peste. On la dépouille, on se moque, on te rhabille, on te cache Césarine sous le tulle, la dentelle et de beaux voiles d'étamine avec, juste là, qui s'ouvre et se ferme, un petit décolleté chaste qui laisse voir tes pépites, tes oignons, tes raisins d'infortune. Et entre nous dormons, nous crachons. Une jeune fille absente dans un trou, une pelote bleue de laine qui est toute sa folie, la reconnaître à sa façon de manier la brosse, les poussettes et la loque en pensant à lui, Fabien, et à Charles qui va venir, l'autre frère, tout à la fin, peut-être. À sa façon de parler comme hier elle courut. Oui, monsieur, je vous aime, et plus je vous aime, plus c'est sincère. La voir blottie au lit chaque soir quand on la couche. Oui, monsieur, je vous aime, et plus je vous aime, mieux je me trouve, plus c'est sincère. L'entendre, la voir pleurer. S'imaginer moi ou une autre fille venue d'ailleurs, du lac Kivu ou des volcans, forcée de quitter un passé de bois et de haute terre terrible, une jeune merdeuse portant de vieux habits puant le charbon et l'ancien temps, la tôle et le carton trancheur de doigts, et qu'on la capture et qu'on l'emmène, et l'avoir capturée si tôt, disent-ils, un couteau à la main avec lequel elle a frappé, elle a cogné à vide et laissé dire à sa colère tout ce qu'elle pense, mais qu'une fille loin de chez elle ne peut pas dire, ne peut que taire. Elle tordra, suera, léchera les soies papillonnes et le gentil textile et tout ce qu'on lui dira. Attendez voir. En voiture ou en petit van, on l'emmènera alors scruter les travailleurs du chantier de la gare, épaules larges, nues comme leur torse qui dégouline lui, sur la chape de béton fondue à leurs pieds et qui soudainement sèche quand arrive la pause, une petite cigarette et un café au lait. Elle verra la vraie vie qu'il mène, elle verra la vraie vie, elle verra, puis plus rien. Chapitre 2, Fabien. Des mois qu'on le trouve là, qu'il bouge à peine, des mois durant lesquels pourrit son corps et moisit son esprit comme le fruit sur son pied, dans la ville, sur la berge au toit de carton, dans la grande ville, sur la rive clocharde et au corps de guenille, trouvons Fabien oisif, un livre dans les mains, sous les yeux, sur ses genoux crottés de rebelles, de mendiants. Fabien assis sur un banc, Fabien fable à lui seul, calé libre ou suspect en bord serré de fleuve, lit quelque chose en son ombre chétive, son petit sang de lait, ne fait rien, ne dit mot, n'est l'ouvrier que de son temps. On vient avec des bruits tirer Fabien du doux, on vient avec des lances, la matraque et des airs qui font rouler son corps. On vient avec des lances, des matraques, et l'envie bien réelle de le voir s'activer. Tombe son livre, on le cogne, tombe son regard à nos pieds, nos bottes, nos coques en fer. On le maintient immobile, reins ceinturés, genoux à quai, puis piqûre de morphine dans la veine de la panse ou du très petit gras. Lire comme lui, calme au doux pied de l'eau, ce grand fleuve qui vous traverse les yeux, relève du mauvais goût. On brûlera le mauvais goût, attendez voir. Lire comme lui, non, on vous dit non, et on le pense, on le fait. On cogne, on le frappe Fabien, où il pose son forfait, sa lenteur aigrelette, son manque d'appétit à mordre, saisir les rênes glauques, le licou coupeur d'os est rentré dans la danse. Oui, monsieur, je vis seul et loin, et plus je me retire, plus c'est sincère, mieux je me porte. On vient couper la branche et le cou du souvenir, à la hache, on vient brûler Fabien, et Césarine et Charles qui sont des points rosés, des impressions légères à la surface de sa rétine. On vient mordre, accru dans la poussière, le petit corps de logis de l'ancienne ferme où ils passèrent l'enfance, ses rapides, ses gouffres, au plus loin des parents. On vient couper court à, voilà tout, poser la ville comme une embûche entre frères et sœurs, le petit os et son sosie. On vient tondre Fabien, ses mouflants de laine, son bonheur en chemise. Son livre, on l'a jeté au pied froid des péniches. Il a l'œil gelé de groseilles, semé de pires, de coups. On l'entoure, mais sans cœur. Il dit qu'il n'a pas mal, qu'il veut revoir sa sœur, où on l'a enfermée. Il sait qu'elle a mordu, frappé, commis à vide en laissant dire à sa colère ce qu'elle avait à dire. On le cogne de concert et on l'emmène dardard. Civière dense, passe l'arche bien broutée, le chemin qu'il fouillait, sauvage. Zoom. On voit flotter son livre, Césaire, Artaud, tout ce qu'il aime, et se fondre dans l'eau, dans le courant presque invisible, tournoyant sur elle-même l'encre de son corps noir. Toute ma vie, j'aurais vécu avec le sentiment d'avoir été éloigné de mon véritable lieu. L'œil gelé par nos coudes dans le bas-ventre, on l'installe dans le van, le sangle à la banquette arrière tourné vers nous de sorte que, de l'extérieur, personne, vraiment personne ne puisse voir son visage, en saisir l'expression. Fabien revêche, sanglé pourtant dans le van, tape une colère, brise la vitre et les os, les nôtres, du méplat de la cuisse et de laine bien durcie. Il va falloir accélérer, presser le pas, et d'un petit couteau court, d'une petite picouse enjeleuse et câline, t'ouvrir la tempe bien gentiment, Fabien, et ainsi que tu dormes, dépiaute tes moutons, il va falloir piquer, viser ferme le centre où tu restes 100 mètres, unique et loin de nous. Cri de l'âne, cri de Fabien maté, muré loin sous la voix, ne dit mot, n'est l'ouvrier que de son sang, où se rappelle à lui la sœur au museau purifié, humée de grand matin, humée fauve et sans trêve dans l'humide des nuits, l'orange frais des soleils tombants. Sous la gousse de l'œil, peut-être clos, peut-être pas, difficile d'être sûr, d'autres souvenirs affleurent, on verra ça demain. Zoom. Il dort dans le fourgon où les pleurs n'ont plus lieu. Il guette le temps où Césarine et lui guette le temps de revoir la sœur muselée, fée morte, enfant protéiforme. Fabien libre puis touché, tendu par la foudre et les feux en retour, tendu, battu, emmenons Fabien ferme, ses moutons blancs de neige, son bonheur vagabond, sanglons-le de plus belle. Cousu à même la peau, passé, resserré aux attaches dans la peur des sans-troubles, voici nos sangles, vives. Elles fixeront Fabien aux joues, au point rentré dans le bide, au nouvel air que psalmodie le temps. Vif, cinglant, par la force du canon et l'effort de chacun, le nouvel air entrera, dévalera, fouillera les fibres afin qu'il chante, Fabien, et martèle avec nous. Qui ne sanglera Fabien l'ira calme au jour paresseux, mais sera grêlé au fouet du bourreau. Qui sera grêlé, tatoué, au bourreau du fouet, ne l'ira plus jamais. L'œil lentement grossit, ourlé de bleu, et lentement se replie, comme pour couver. L'œil maintenant n'est plus qu'un léger voile, troué, où grain-grain s'imprime de petits pans de paysage. Fabien ne lira plus, on l'enfermera, on l'enferme, n'est pas sauf qui veut. Merci Antoine. Je n'ose pas parler parce que ça me laisse un peu sans mots. Mais à la radio, sans mots, c'est un peu bizarre. En fait, je voulais vous poser la question pour la fin. On a vu au début d'où vous venez, mais où allez-vous ? Dans le mur. Nous allons droit dans le mur. Droit dans le mur ? Non, mais par contre, Antoine et moi, on a un projet commun qui serait donc une lecture commune d'extraits de Césarine, du cycle Diaspora et de quelque chose qui s'appellera Antioxydant, qui serait écrit à deux. Voilà. D'accord. À suivre.